Blessings. Elle aime pas beaucoup parler. Matérialiser, superficiel, dans sa tête, Arrête ta meuf, c'est pas ce que tu m'avais dit. Ouais. Tu t'avais dit oui, mais j'ai changé d'avis. Ouais. Elle n'a pas mon temps. Ouais. Pour l'avance que je creuse. Ouais. Elle a des grosses. Ouais. Elle a passé. Ouais. Je suis dans la boîte, je pensais plus que tu combattes. Ah bon? Tu peux pas me juger le savoir. Ah bon? Tu ne peux pas me juger, je tout pas. Yeah. Maman, si t'es dans la cuisine. Ouais. Je suis le meilleur avec les Nadia. Yeah. C'est une meuf spéciale, elle n'aime pas beaucoup parler. Réalise du perpétuel dans sa tête, elle est carrée. Elle aime sa paix, elle va s'envoyer, elle va faire pas si t'as pas de billet. Le cœur qu'elle a brisé, les fous qu'elle a brisé, on ne saurait les compter. J'arrivais en soirée bien sapée, la vie du mal, mon chemise vert saché. Et ma tête là, c'est ma montre, ma pigueuse. Tout le monde me disait d'y aller. Ah, la voix de j'ai dit chérie, comment ça va? Ça elle va. Me disait que moi je sais que tu vas et tu vas. Elle me disait que moi je sais que pas de cash. Ouais. Dans sa tête elle est carrée, carrée. Elle nous a tous fait balader. Balader. Donc je lui ai répondu. Ma chérie, t'es une miche tout ça va bien. C'est une meuf spéciale, elle n'aime pas beaucoup parler. Parler. Matérialiste et superficielle, dans sa tête elle est carrée. Elle aime sa fête et va t'envoyer, va créer la veuve de vous débiller. Le cœur qu'elle a brisé, le coup qu'elle a brisé, on ne saurait les compter. Je suis scandalisé, elle a des fautes qui te feraient tomber. Ouais, ouais. C'est pas le genre de meuf avec qui tu serais prêt à poser. C'est une michto, elle connaît rien à part les billets. Ouais. C'est une michto, ouais, tu vas défoncer. C'est une meuf spéciale, elle n'aime pas beaucoup parler. Matérialise et superficielle, dans sa tête elle est carrée. Elle aime sa fête, va t'envoyer, va t'aider, la porte pas si t'as pas de billet. Les cœurs qu'elle a brisé, les coups qu'elle a brisé, on ne saurait les compter. C'est une michto, c'est une michto.